était né à Mexico. C'était un drôle de zigoto. Ça n'est pas qu'il était costaud. Mais ça t'a qu'il était très bon. Il portait un grand sombrero. Il avait un pistoletto avec des sabres et des couteaux. Que ça donnait froid dans le dos. C'était le plus grand général du Mexique. José de las Castañetas. C'était vraiment, c'était un étile fantastique. C'était un as, c'était un as, un très grand as. Sa moustache était comme ça, ses épaulettes comme ça. Son sombrero grand comme ça, ma lui n'était grand comme ça. Ma, c'était le plus grand général du Mexique. José de las Castañetas. Ah, il faut faire bien attention avec ces révolutions. Qui est pour un oui, qui est pour un non, on prend une balle dans le citron. Sa mort était pour la nation une terrible perdition. Et c'était pour cette raison qu'il sortait pas de sa maison. C'était le plus grand général du Mexique. C'est de las Castañetas. C'était vraiment, c'était un étil fantastique. C'était un as, c'était un as, un très grand as. Il avait des médailles, tout ça, un masque à gaz. Comme ça, dos arquebus. Non, pas dos, tres arquebus. Comme ça, lui tout seul qui était grand comme ça. Non, pas comme ça, hein. Ma, c'était le plus grand général du Mexique, José de las Castañetas. Pourtant on eut besoin de lui, on vint le cercer une nuit, que cette fois dans le pays, ça sentait un peu le roussi. Mon général hardi, hardi, debout là-dedans, qu'on lui a dit. Il en fut tellement surpris qu'il en tomba mort dans son lit. C'était le plus grand général du Mexique, José de las Castañetas. On lui fit des funérailles fantastiques, funérailles nationales, avec des larmes comme ça, des couronnes comme ça, des discours longs comme ça, pour les quêtes grands comme ça. C'était le plus grand général du Mexique. Y'a pas que chez eux qui en a comme ça. De tout temps, on en a vu des tas, des petits, des grands, des gros, des grands. Honda!